Le sixième sens. C'est difficile à décrire. J'ai un de mes copains qui est suisse et qui me l'a expliqué. Il m'a dit, c'est comme un verre de vin blanc. Tu le regardes, il est joli à voir. C'est la vue. Tu le humes, ce sont les narines qui jugent ce vin. Tu le sens. Ensuite, tu le goûtes. Il est frais. C'est le toucher. Ensuite, c'est le goût quand tu le bois. Et oui, mais là, il y a quatre sens. Nous, on a cinq sens. Eh bien, le cinquième sens, c'est quand on dit et on trinque. Santé, prospérité, conservation. Il m'expliquait qu'il y avait un sixième sens. En effet, le sixième sens, c'est difficile à décrire. Je crois que c'est un don des dieux. C'est un certain tact, un regard. On vous présente quelqu'un, il vous dit bonjour monsieur ou bonjour madame. On a déjà jugé, on sait à qui on a affaire. Regardez ce brave type, il cherche du travail, il est rentré dans le bureau directorial. Le patron n'est pas là, il s'installe dans un fauteuil. Quand le patron arrive, il lui dit, qu'est-ce que vous faites là monsieur? Ouais, je suis venu pour chercher du boulot. La place est déjà prise monsieur. Et pourquoi? Parce que vous n'avez pas le sixième sens. Ce monsieur qui laisse ses chaussures à l'hôtel pour qu'on les cire, discrètement, il a placé une pièce de 1 franc dans la chaussure. C'est un monsieur qui a le sixième sens. On est au bord de la mer. Les sapins sont verts. Il y a la mousse. Puis il y a un brave type qui est là. Lui, il n'a pas pique-niqué. Non, il a cassé la croûte. Il a laissé des vieux papiers gras, des boîtes de sardines ouvertes. Il a un short anglais qui a fait la guerre de 39-40. Une casquette qui était blanche le jour où il l'a acheté. Des chaussettes qui sont en deuil. Par discrétion, j'ai trop de pudeur et trop de respect pour la femme pour décrire son épouse. Parce qu'elle a un maillot de bain. Il faudrait faire une enquête pour savoir quel est l'ingénieur qui a réussi à trouver un tissu de maillot de bain qui réussit à résister à 24 kilos de cellulite au centimètre carré. Alors on lui dit au bonhomme, mais enfin monsieur, vous ne devez pas laisser vos papiers gras comme ça, faites un petit trou dans la terre, vous les placez, vous remettez la mousse dessus, puis c'est tout. Il va vous répondre, et alors, et quoi, et alors, il n'a pas le sixième sens. Madame, je suis étudiant. Votre fils m'a dit que vous m'aviez invité à déjeuner aujourd'hui. J'en suis très flatté, je vous présente mes hommages, madame. Et comme je suis étudiant, je vous ai apporté simplement une rose. La maîtresse de maison va enlever le gros bouquet de lilas blanc qu'il y a sur la table et à la place, elle va disposer la rose. Elle a, il a, ils ont le... Un ascenseur. Deux couples sont dedans. Un bonhomme, assez fort, l'autre est rassé. Ils ont chacun leur épouse. Le monsieur qui est assez gros fait « Mais je vous connais, vous! Vous habitez au 7e étage, moi j'habite au 2e. Vous faites le même métier que moi. Ouais, vous êtes rédacteur en chef au journal Le Monde. 300 000 exemplaires. Moi, je suis ici pourri. 4 millions d'exemplaires. Nous, on en gagne du pognon. Pas vrai, Zézette? Avec ici pourri, on représente la littérature française à l'étranger. Pas vrai, Zézette? Qu'est-ce que tu vas m'offrir pour mon anniversaire? Mais je vais t'offrir un joli manteau en peau de porc doublé avec du vison. Ça va être chouette. Dans les bureaux rédactionnels, là, je m'en ai pâté, dis donc, avec mon beau manteau, parce que comme ça, je montrerai que je gagne du pognon, hein? Et dis dans le vison. Si c'est la doublure, il sera à l'intérieur. On le verra pas. Mais qu'est-ce qu'on va regarder alors? Mais on regardera le porte. Allez, on est au 2e étage. Salut la compagnie. Rédacteur en chef, on a le... Salut, hop. Et toi, ma chérie, qu'est-ce que tu vas m'offrir pour mon anniversaire? J'ai pensé que ça ferait plaisir un parchemin, couvre-livre, car j'ai appris que du côté d'Ambert, il restait encore des moulins où ils faisaient du papier, du parchemin, comme au Moyen-Âge. Il y a des petites fleurs dessus, je pense que ça te plaira. Ma chérie, tu as beaucoup de goût. Elle a, il a, et ils sont tous les deux au... Non, au 7e étage. Le secret pour plaire, lorsqu'on raconte une histoire, eh bien, il ne faut jamais qu'elle soit longue. Car le public qui vous écoute, il a aussi le 6e sens.